Vous êtes toujours sur En profondeur à cqualité.ca et sur la radio à 90.3 FM. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, je serai accompagné de Siegfried Elmatelet, de la chaire UNESCO UQAM sur les fondements philosophiques de la justice et de la démocratie pour donner la parole à des concitoyennes musulmanes militant contre l'islamophobie dans ce qui est appelé Québec. Alors, Siegfried Elmatelet, la parole est à vous. Bonjour, merci Chris, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui et de donner la parole à nos invités que je vais laisser se présenter à l'instant. Alors, de quel côté est-ce qu'on commence? Peut-être avec... oui, vas-y. Oui, bonjour, je m'appelle Sama Jebari, porte-parole du Forum musulman canadien. Forum musulman canadien est une organisation sans but lucratif. Elle a comme mission de promouvoir, de prendre soin finalement du concern du citoyen en tout et surtout du citoyen musulman. Merci. Et à côté, nous avons Leila Benhajouja. Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'est Leila Benhajouja. Je suis doctorante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal et chargée de cours également. Je fais ma thèse sur les féminismes musulmans au Québec et je m'intéresse donc aux questions liées au racisme, évidemment à l'islamophobie, donc au féminisme et au contexte postcolonial. Merci beaucoup. Anna Dissad. Bonjour tout le monde, Anna Dissad, fondatrice de Justice Femme, Femme pour dire, Femme pour agir. C'est un organisme qui veut lutter contre toute forme de discrimination faite aux femmes. Oui, et la dernière, mais non la moindre, Coraline Lemoine. Bonjour, je m'appelle Coraline Lemoine. Je fais partie du mouvement musulmane féministe militante, donc je suis plutôt sur le terrain lorsqu'il est temps d'action. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'être là aujourd'hui. Alors, j'aimerais peut-être commencer par faire un petit tour de table en vous demandant de nous parler un peu de votre expérience personnelle par rapport à la situation de l'islamophobie dont on parle beaucoup et dont on entend beaucoup parler ces jours-ci. Est-ce que tu veux commencer, Coraline? En tant qu'expérience personnelle? Moi, je peux parler, oui, en tant qu'expérience personnelle, j'ai vu au fil des années de ma conversion, en fait, les choses changer, étant donné que je suis une convertie. Donc, du jour au lendemain où j'ai porté le foulard, ma religion était donc affichée. Donc, j'ai vu des gens fuir et j'en ai vu d'autres s'approcher. Alors, les relations ont changé, bien sûr, et le rapport avec les gens que j'avais également. Dis-moi, donc, pardon, est-ce que ça fait longtemps, donc, que tu portes le foulard? Je suis convertie depuis 2001. Et je porte le foulard depuis... C'est ma 7e année cette année. Donc, j'ai 7 ans d'expérience à Montréal et auparavant dans la petite ville où j'habitais avant. Donc, on voit que les deux contextes sont très différents. Oui, oui. Donc, tu as commencé à porter le foulard vers 2007 à peu près. 2008, oui. OK. Donc, après la crise des accommodements raisonnables. Exactement. Dans ce temps-là, OK. Exactement, okay. Au sein d'une petite ville... où il y avait qu'une seule musulmane qui travaillait. En fait, on était deux, moi, mais l'autre travaillait dans un restaurant méditerranéen. Donc, ça passait un petit peu plus inaperçu que moi qui travaillais en public. Donc, voilà, c'était un quotidien particulier, des gens curieux, curieux de façon positive ou négative. Maintenant que je suis à Montréal, je croyais pouvoir dire enfin essouffler un peu, mais avec l'arrivée de la charte en 2013, rebelote. C'est vraiment avant 2013 que tu as perçu un changement d'attitude à ton endroit? Drastique. Et pas qu'à mon endroit, à l'endroit des femmes musulmanes au complet, que ce soit de petites villes ou de grandes villes. Oui. Oui. Anadi, est-ce que tu veux nous parler un peu, toi, de ton expérience? Si on parle au niveau personnel, je dirais que moi, j'ai commencé à repratiquer ma religion. Ça a donné que c'était après le 11 septembre. Et malheureusement, j'ai vu le avant et le après. Avant, j'étais madame comme tout le monde. Je passais inaperçue. Dès que j'ai mis le voile, c'était toutes sortes d'injures sans dire c'est quoi exactement. C'est à peu près ce qu'elle a dit. C'était très difficile à vivre. Et là, il y avait eu une période où ça s'est calmé. Mais là, depuis 2013, depuis l'arrivée de la fameuse charte, on a vu une dégringolation. Dégringolation. De toute l'ambiance sociale. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur l'espace public, au travail, dans nos familles, parmi nos amis. Moi aussi, comme Coraline, l'année dernière, j'ai dû perdre aussi des amis. On dirait que ça a réveillé des démons chez les gens. On a laissé libre cours aux gens de montrer leur xénophobie ou leur islamophobie. Le mot est jusqu'à maintenant, on le voit tabou. Mais ce que je déplore aujourd'hui, depuis que j'ai fondé l'idée de Justice Femmes, ce que je déplore depuis l'année dernière, c'est la montée des actes, des crimes haineux, des crimes islamophobes contre les femmes dans l'espace public. Et on le voit surtout dans les rues, dans les métros. On s'en prend aux femmes. Oui, oui. Des insultes, par des injures, par des agressions. Puis là, juste dernièrement, il y a deux, trois cas dans les derniers jours. C'est rendu inacceptable. Oui, je comprends tout à fait. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler au courant de l'émission. Peut-être pour continuer sur l'expérience personnelle. Oui, vu que vous insistez savoir le personnel d'une activiste comme moi, je vais dire que ma vie est avant et après le Forum. Donc, avant mon engagement avec le Forum musulman canadien, j'étais étudiante, mère de famille. Puis, je vis comme tout le monde. Je porte mon foulard islamique, sauf que j'ai jamais senti que c'est une partie qui n'est pas acceptée dans la société. Au contraire, j'étudie, je côtoie à tous les jours les Québécois de souche, même si j'aime pas trop le mot. J'étais impliquée sur tous les plans, donc au niveau surtout de mes études et de mon travail comme enseignante. Moi, j'ai fait enseignement du français au secondaire à l'Université de Montréal, donc toute la cohorte était presque des... surtout le français, c'était plus des Québécois de souche que des immigrants. Donc, j'ai pas senti ça. Ça fait quelques années que je suis avec le Forum. Et finalement, j'ai vu d'autres perspectives. C'est que c'est pas seulement moi qui existe, mais il y a d'autres gens, il y a d'autres concernes. Et le foulard est vu autrement. Pas seulement mon point de vue qui voit que, oui, il y a les gens qui connaissent Sama puis qui réagissent bien avec elle, mais il y a d'autres gens qui réagissent avec d'autres mondes, c'est-à-dire des femmes qui portent le foulard, sans les connaître. Donc, c'est ce qui fait la différence entre la personne qui te connaît, oui, te traite bien, pourtant mm-hmm. traité, c'est... Il y a on peut dire qu'il y a une réciprocité dans les relations, c'est-à-dire on se respecte. Ça, moi, je l'ai vécu et je l'ai senti. Sauf que d'autres mondes n'ont pas vécu le respect, n'ont pas senti le respect de monsieur, madame, tout le monde, qu'ils ne les connaissent pas. Et ça, c'est dû aux médias. Moi, je dis que le premier élément qui a alimenté la peur, et la peur est irrationnelle, une peur qui est insensée en quelque sorte, c'est les médias. Annonçant et à tous les jours, à toutes les nouvelles, des faits qui sont vrais des fois et d'autres fois plus exagérés. Et ça, toi, t'as l'impression que ça influence la façon dont les gens qui te connaissent pas t'abordent ou peuvent t'aborder ou peuvent entrer en contact avec toi? Tu sens qu'ils font référence à ce qu'on dit dans les médias qui sont très influencés par ce contexte-là? Peut-être pas les gens qui me connaissent directement, mais en gros, toute la société a vécu cette peur-là et ce sentiment de crainte. Donc, ils sont devenus craintifs vis-à-vis de la personne musulmane, surtout musulmane. Moi, je dis, le musulman n'est pas touché à 100% comme est touchée la femme. Si on parle ici de l'égalité hommes et femmes, il faut l'appliquer à la lettre et avec tout le monde. Il y a une égalité entre hommes et femmes. On ne la sent pas à nous, les musulmanes. On sent que, oui, le musulman, il peut travailler, exercer son travail comme il veut, surtout pendant la période de la charte. Pourtant, celle qui était visée par le projet de la charte était la femme musulmane et rien que la femme musulmane. Donc, de un, il y a l'égalité hommes et femmes. Et de deux, l'égalité femme et femme. La femme musulmane n'est pas traitée sur la même longueur d'onde que n'importe quelle femme sur le territoire québécois. Merci. Et toi, Laila, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience personnelle ou peut-être nous dire aussi ce que ça te dit en tant que chercheuse quand tu entends des témoignages comme ceux-là? Oui. Ben, en fait, un chercheur ou une chercheure n'est jamais très, très loin de son objet de recherche. On s'intéresse jamais à un sujet comme ça par hasard. Il y a toujours des raisons qui font que on va vers un sujet. Et moi, je plaide beaucoup d'un point de vue scientifique de toujours situer le savoir. Donc, de dire de quelle perspective on parle, de où on parle. C'est une forme d'honnêteté intellectuelle. C'est une forme de positionnement, en fait. Et ça définit un peu à partir de quelle épistémologie on part. Et dans mon cas, évidemment, et c'est comme ça que j'envisage mon travail de recherche, et c'est comme ça que le fond de plus en plus, en tout cas, de, on va dire, c'est une tendance qu'on retrouve de plus en plus dans les savoirs un peu plus alternatifs, c'est de dire voilà, pour ma part, je suis chercheur, doctorante, je me situe dans un terrain académique où je regarde un terrain social, où je travaille avec un terrain social, et je ne peux pas faire abstraction de ma propre subjectivité, c'est-à-dire le mythe de l'objectivité absolue. Beaucoup de recherches, notamment en sociologie du racisme, ont montré que cette objectivité, en fait, elle est fausse. Elle met davantage elle invisibilise les subjectivités des dominants à la faveur d'une soi-disant objectivité, mais qu'en réalité, il faut mettre en évidence d'où on parle pour d'abord dire qu'on n'a pas tout vu, d'une part, et que notre propre subjectivité influence notre travail de recherche et aussi notre propre terrain. Donc, pour ma part, moi-même, je suis une femme musulmane, je m'intéresse au discours féministe musulman au Québec, donc dans ma société. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la question de l'islam d'un point de vue sociologique, que j'essaie de comprendre les relations entre islam, les questions liées à la modernité, notamment dans les sociétés occidentales. Donc, pour ma part, la question de l'islamophobie s'est présentée à moi sur mon terrain. À partir du moment qu'on s'intéresse au féminisme musulman ou au discours des femmes musulmanes, on est confronté à la question de l'islamophobie parce que c'est des discours qui sont présents dans les sociétés, pas que dans les sociétés occidentales, mais qu'on peut aussi retrouver dans des dynamiques, dans des sociétés à majorité musulmane. Donc, pour ma part, je suis d'ailleurs très heureuse que j'entende ici mes camarades, mes collègues, et je trouve que le discours des femmes musulmanes devrait être écouté, entendu, pas seulement dans les milieux sociaux, mais aussi dans les milieux académiques, parce que beaucoup de recherches qui ont porté sur les femmes musulmanes, elles ont principalement porté sur la discrimination qu'elles vivent, sur les types d'oppression, mais rarement comme des sujets politiques. Donc vraiment comme des sujets libres d'un point de vue philosophique. Et pour ma part, c'est dans ce sens-là où je m'inscris, c'est vraiment de réfléchir sur le discours des femmes comme sujet autonome dans une société telle que le Québec. Oui, ben merci beaucoup. Je crois que si on leur donne la parole, on va en découvrir beaucoup de ces femmes qui sont autonomes et qui entreprennent d'ailleurs des actions politiques de diverses sortes. Alors, j'aimerais maintenant passer à une phase où est-ce que j'aimerais vous entendre parler un peu peut-être des cas qu'il y a autour de vous qui vous préoccupent particulièrement, comme vous êtes active dans différentes organisations. Est-ce que on peut commencer avec Sama, je crois que... Ben tiens, je te laisse. Oui. Oui, on peut parler de plusieurs cas. Puis le dernier cas qui a préoccupé pas mal d'attention sur les médias, c'est le cas de Mme Rania Alaoul qui venait de comparaître en cours. Puis la juge, Mme Moringo, a refusé de l'écouter carrément, et elle lui a demandé d'enlever son voile pour si elle veut vraiment si elle voulait qu'elle écoute. Elle a refusé, elle lui a dit que ça fait partie de son intégrité, ça fait partie d'elle-même, c'est son signe religieux finalement. Et alors la juge ne l'a pas écouté. Rania s'est dirigée directement vers le forum comme premier recours parce qu'elle sait qu'on donne de l'aide aux gens qui en ont besoin. Donc, on a pris les mesures nécessaires. Donc, on lui a demandé d'écrire... Si tu permets, on peut peut-être dire un peu le cas quand même. Elle était là en cours, donc... c'était pour récupérer son véhicule. Oui, faire un résumé de ce qui s'est passé. Oui. Oui, s'il vous plaît. Son fils a conduit la voiture, donc son permis était suspendu. Alors, il est allé à la cour, au cour municipal pour chercher son auto. Donc, c'est un cas qui peut arriver à tout le monde. la juge, en la voyant avec le foulard, et vu, on sait très bien que les juges peuvent décider le code vestimentaire dans l'enceinte de leur cour. Sauf que le foulard islamique ne fait pas partie du code vestimentaire. Donc, c'est pas un jeans ou oui. C'est pas... En même temps, depuis qu'il y a des tribunaux au Québec, j'imagine qu'on a déjà vu des femmes porter un foulard, un chapeau, même dans la tradition autre que... Et on accepte ça. Oui, et on accepte la kippa, on accepte pas mal de signes religieux et même autres, plus que ça. Donc, j'arrivais pas, et n'importe quelle personne n'arrivait pas à comprendre. Même mettons de côté le côté religieux qui est en moi, là, je dis que la juge, normalement, devait montrer plus de crédibilité, plus de prestige à l'endroit où les gens viennent ici pour... C'est vraiment un endroit prestigieux, puis les gens se dirigent vers le cour pour avoir leurs droits. Donc, on ne peut pas subir l'injustice dans l'endroit où on doit normalement avoir la justice. Et donc, Mme El Alou s'est tournée vers vous à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec... Est-ce que le cas va aller plus loin? Est-ce qu'il y a moyen d'obtenir pour elle une elle forme était perdue, de jugement? Elle était perdue au début. C'est une femme... en fait, elle vivait seule, monoparentale, avec ses trois enfants, donc sur l'aide sociale, déjà. Pas donc, forcément sa situation... les moyens d'aller voir un avocat. Plus que ça, l'état... psychique, là, son état, elle était toute bouleversée, elle était détruite, là. Elle savait pas quoi faire exactement. Elle se sentit humiliée et devant son fils. Donc c'était difficile de sortir de l'état où elle était exactement. Puis penser à aller voir un avocat ou aller suivre la procédure légale pour voir quoi faire au juste. Donc le forum, on lui a demandé d'écrire, de faire une description factuelle de ce qui s'est passé exactement. Puis on a contacté des avocats finalement pour nous conseiller quoi faire. On a fait nos contacts avec les médias, donc elle est sortie le lendemain aux médias. Oui, pour publiciser un peu pour l'événement, publiciser, pour sache, sensibiliser enfin, les gens et pour suivre. Même les médias ont fait leur contact pour voir la version de la juge elle-même. Elle répondait pas au téléphone. Et là, commençait l'investigation et l'enquête. Et tous les médias, par la suite, tous les médias étaient au courant. Puis ça commençait. On a entendu l'histoire de Rania partout. Un certain soutien aussi de la population. Comment est-ce que tu perçois la réaction de la société québécoise? Il y avait deux associations qui ont amassé à peu près 50 000 $ pour elles. C'était deux bénévoles. Ils ont fait ça. Puis les gens de partout au Canada et même à l'extérieur ont voulu contribuer puis l'aider. Ça, c'est un acte vraiment généreux, très, très généreux de porter de l'aide à quelqu'un qu'on ne connaît pas juste parce qu'on... On sait qu'il a raison, puis c'est question de justice, c'est question de droit à la liberté, droit d'expression, ainsi de suite. D'accès à la justice, oui. C'est à la justice, accès à la justice, justement. Mais ce qui est un peu... personnellement, ma surprise était que Rania, malgré la difficulté qu'elle avait, elle a refusé. Puis elle a dit merci à tous les gens qui ont essayé de m'aider, mais il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus au besoin que moi. Donc, mon cas n'est pas un cas charitable, beaucoup plus que ça. Mon cas est plus humain. Puis je veux que ce que j'ai senti, ce que j'ai subi, personne d'autre ne le subira. Et je pense que ces deux avocats, dans le point de presse qu'ils ont fait dernièrement, ont expliqué puis montré que eux, ils veulent le but initial, c'est de clarifier une bonne fois pour toutes que dans un cours, le voile islamique, il n'y a pas de compromis là-dessus, puis on ne dit pas qu'il fait partie du code vestimentaire. En effet, ça semble important que tout le monde ait accès à la justice. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu plus de détails, de nous avoir rappelé ce cas-là. Est-ce qu'on peut peut-être continuer avec Anadi? Je crois qu'au Centre Justice Femmes, vous vous occupez, comme tu le disais, là, de cas de violence. Dernièrement, on a été contacté par plusieurs cas dont aujourd'hui une, elle est sortie aux médias par TVA pour témoigner. C'est carrément une agression physique qu'elle a subie d'une femme sur un arrêt de bus, qu'elle est venue de nowhere. Puis elle est venue, elle s'est attaquée à elle, puis elle l'a vraiment graffinée sur son visage, puis elle l'a cognée contre un grillage d'un restaurant, et pour, dans le simple but de lui arracher son voile. Alors moi, j'ai appelé ce phénomène une voilophobie. Dans l'islamophobie. Mm-hmm. On dirait parce qu'on est visible. Et tout d'un coup, une fois que ça a été médiatisé, ce cas, il y a eu 2-3 autres cas qui ont surgi. Et là, on recueille les informations. Alors, le rôle que Justice Femmes est en train de prendre actuellement face à cette multiplication d'agressions physiques contre des femmes dans l'espace public, surtout la prise en charge de la victime, le soutien moral, l'accompagnement vers toutes les démarches qu'elle a à faire, soit au niveau de la police, parce que beaucoup de femmes issues de l'immigration ont peur de tout ce qui est autorité police, parce qu'on sait très bien que le rapport n'est pas pareil. C'est de l'accompagner dans les démarches et de lui montrer comment faire la plainte, parce que des fois, on peut faire une simple déclaration qui mène nulle part, mais de déposer une plainte, c'est vraiment pour qu'il y ait une investigation. Et puis, nous travaillons aussi actuellement avec le Forum canadien musulman pour que ces cas-là soient pris au sérieux par le service de police, parce qu'on dirait qu'il y a une incompréhension aussi de ces crimes haineux. Ce n'est pas simplement une agression physique contre n'importe qui. Il y a une... Est-ce que tu peux nous donner des exemples de cette incompréhension? Qu'est-ce qui arrive quand... Je vais prendre le dernier cas, comme par exemple la jeune fille qui a été agressée, qui était en état de choc, elle a appelé le 911. Elle a appelé au secours, même ce qui était très étonnant. Je trouve ça vraiment, au niveau de public, social, je dirais que c'est rendu très grave, que personne n'est venu à son secours. Et pourtant, on parle du coin Saint-Michel et Rosemont. C'était un coin très achalandé. C'était en plein jour. Et c'était face à un resto terrasse. Il y avait des gens qui mangeaient là. Puis elle essayait de retenir la dame pour ne pas que elle essayait de se défendre. La dame qui l'agressait. Oui. Et puis elle disait s'il vous plaît appelez 911 au secours quelqu'un. Puis c'est un jeune qui est venu vers elle. Elle s'est sentie soulagée. Mais finalement ce jeune-là a aidé la femme qui l'agressait à fuir du sang-froid. Puis en disant à la jeune qui était agressée, à la victime, ben rentrez au resto puis appelez 911. C'est un monsieur qui était en face, qui avait son auto stationné. Il l'a vu dans un état, mais il n'a pas vu la scène, lui. C'est un monsieur d'un certain âge, un Québécois d'ailleurs. Il faut le préciser parce qu'il n'y a pas que des méchants loups au Québec, bien sûr. C'est un monsieur qui s'est arrêté et il lui a dit qu'est-ce qui se passe. Il l'a vu avec le visage saignant. Avec des graffinures au visage, tout le côté qui est, gauche ou droite, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, même ses lunettes étaient brisées. Mm-hmm. Bon, elle avait appelé le 911, on a pris les informations, on lui a dit la police était au courant. On n'a pas envoyé ni la police sur place parce que la madame a pris la fuite, et on n'a pas envoyé même pas une ambulance pour évaluer la situation psychologique ou physique de la personne. Moi, je pense, et j'y tiens, que c'est très important de le faire. Et d'un autre côté, bon, le fait qu'elle se présente seule, c'est décourageant. Il y avait un volontaire qui l'a amenée au poste de police, puis elle s'est fait poser la question par le policier 3 fois. Est-ce que vous voulez faire une simple déclaration ou une plainte? Et là, et c'était une fois écrit parce qu'elle a fait la déclaration elle-même. Et sur le champ, elle ne se rappelait pas. Parce que quand on est en état de choc, on n'a jamais eu affaire à ce genre de situation, on s'entend tous, des fois, on peut perdre certaines facultés, puis on sait pas, on se rappelle pas de tout, on est à choc. Oui, on est choqué, oui. On est choqué. Alors, elle a écrit ce qu'elle pouvait, ce qu'elle se rappelait, avec toutes les émotions qu'elle avait, et le policier lui a dit, est-ce que madame, vous êtes certaine que vous voulez faire une plainte? Puis elle lui a dit, est-ce que je peux savoir c'est quoi la différence entre une déclaration et une plainte à la police? Il lui a dit oui, parce qu'il y a des gens qui veulent pas aller jusqu'à la cour. Alors, je pense que c'est là où l'importance de la compréhension de la part du corps policier, que c'est un crime haineux. Et ça, c'est une volonté politique qui doit exister actuellement, de reconnaître l'islamophobie. Ce n'est plus un tabou. Elle existe réellement. On dirait Montréal, maintenant, actuellement, c'est devenu un laboratoire de crimes haineux. Oui, donc ça, il faudrait qu'il y ait une action particulière, une vigilance particulière là, face à ce type de crime. Ça, c'est une responsabilité. Mais peut-être même une responsabilité de poursuivre dans ce cas-là, ou une responsabilité de la police ou du procureur d'entamer peut-être. Il faut qu'elle se sente qu'elle est en sécurité, qu'elle est prise en charge aussi. que ça va encourager les autres à faire, quand il y a des agressions, qu'on porte plainte. Et est-ce que ce sont des cas qui sont fréquents? Est-ce qu'il y a souvent des femmes qui se font Suite à cette déclaration, c'est une très bonne question. Suite à cette courageuse jeune fille qui a tenu à tenir l'anonymat parce qu'elle ne voulait pas que sa famille qui vit à l'extérieur du pays craigne pour sa sécurité, parce qu'elle vit ici, seule ici, ça a encouragé d'autres personnes à dire que moi aussi, et là ça fait 2-3 jours et depuis je ne suis pas sortie de la maison. Et quand j'ai pris contact avec les gens, parce que les gens ne connaissent pas encore l'existence du Justice Femme, car elle est très nouvelle, puis bon, en étant construction, on travaille avec seulement des bénévoles, mais on fait, jusqu'à maintenant, on a fait un excellent travail depuis l'année dernière. Même Coraline Lemoine était avec moi, on a recueilli même depuis l'année dernière, combien, une dizaine de femmes qui ont été violentées par des vidéos, puis qu'on a mis, ça a été vu des milliers et des milliers de fois, dont la moitié y ont eu même des menaces de mort carrément. Si je comprends bien, donc vous, votre organisme, vous êtes là un peu pour briser l'isolement, pour accompagner ces personnes-là, voilà. Et peut-être pour s'assurer que les personnes portent plainte, qu'elles restent pas dans le... Premièrement, il y a une prise en charge complète de la personne au niveau de support moral, support psychologique, et tout le suivi juridique qu'il y a au niveau de la police ou autre. Parce que c'est pas juste des agressions physiques, mais là dont on parle, c'est des agressions physiques carrément. Et après ça, c'est des ateliers de soutien qui vont se mettre en branle actuellement, à part des thérapeutes aussi, et donner des outils aux femmes de se faire confiance, et puis de faire confiance au système et de briser ce silence-là et de sortir. Puis même, on est en train de songer. Je suis en train de chercher des gens pour qu'ils nous donnent des cours de carrément d'autodéfense. On est rendu là. Bon courage. Alors, peut-être avant qu'on ait une discussion un peu sur tout ce qui se dit là, juste compléter un peu les différents témoignages. Donc, toi, Coraline, on t'a vu comme activiste récemment qui mobilisait aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais et des projets que tu entames là-dessus? Eh bien, en fait, c'est qu'on, pour l'instant, on est encore... à l'étape d'information, s'informer. On essaie aussi de rassembler la communauté musulmane. Ça peut parfois être un peu difficile parce que si tu me permets, pour mettre en contexte, on t'a vu donc dans la mobilisation contre Pegida, rassembler les gens. Ça, c'était très important. Depuis la naissance de Pegida en Europe, je suis le dossier, comme on dit. Et lorsqu'ils ont fait leur arrivée au Québec, on n'avait pas tant d'attentes quant au nombre, mais nous avons été étonnamment surpris samedi dernier lorsque seulement 3 d'entre eux se sont présentés. Somme toute une bonne nouvelle, quoi, de voir. C'est une bonne nouvelle. On a célébré, tout le monde était heureux, bien sûr, et ça, en même temps, de nous voir défiler sur Jean Talon, ça ramène la communauté à savoir ce qui se passe, de s'intéresser à autre chose qu'au foot, puis de voir qu'il se passe quelque chose ici avec leurs femmes, leurs filles et tout. Le lendemain, Pegida s'est présentée au cégep Maisonneuve avec des bâtons et un pitbull, et puis ils ont tenté de manifester contre le Cégep Maisonneuve, et ça a tourné en violence. Donc, là, on a vu sur leur site qu'ils annoncent une prochaine manifestation bientôt. Ils font des clins d'œil là, sur leur site en nous laissant croire que ça va être gros, ça va être big. Ce qui nous inquiète, nous, au MFM, en fait, c'est que s'ils ont été violents à 3 avec un chien, si vraiment ils réussissent à rassembler davantage de disciples, si on veut, parce que pour moi, Pegida, c'est une espèce de secte, en fait. À quoi ça va ressembler? Ils se disent de droite, mais sont tout à fait anarchistes. Ils sont violents, ils ont peur de rien, et ils sont pernicieux également, du fait, et vicieux, du sens que l'un d'eux, la semaine dernière, qui a frappé un jeune étudiant, portait un kaffiyeh palestinien, c'est-à-dire le foulard noir et blanc, qui est souvent symbolique pour les gens qui connaissent pas l'histoire de la Palestine. C'est un symbolique étant comme un méchant musulman là, qui se cache. Donc, il portait ce foulard-là. Mais c'était... Enfin, c'est un foulard de la résistance palestinienne. Exactement. Et donc, il essaie de l'instrumentaliser. Exactement. Pour, donc, on ne voit qu'une simple ouverture pour les yeux et on voit que c'est lui qui frappe. Donc, les médias ont dit que c'était un arabo-musulman. En fait, il s'agissait d'un... de monsieur dont je nommerai pas le nom, mais il y a eu une arrestation et ça a été tourné, ça a été filmé. Donc, bien sûr, nous sommes pas inquiets face à leur... Donc, si je comprends bien, il y a une volonté de faire passer son agression sur le dos de la communauté arabe. Voilà, voilà. D'accord. Pour... C'est ce que tu veux dire. C'est un groupe exactement. Qui est non seulement violent, mais aussi pernicieux, quoi, qui joue sur les images. Il joue sur les images. Voilà. Alors, à quoi s'attendre de gens comme ça? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, ils ont pas de foi, ils n'ont pas de limite, il n'y a rien qui est à leur épreuve et donc on va rester bien aux aguets de ce qu'il faudra et se passer. Et donc la mobilisation contre eux c'est bien déroulée. Est-ce que tu penses que ça permet aux gens comme toi qui participent d'aller chercher de la... Est-ce que ça aide à avoir de la solidarité envers la cause énormément. Et oui, de la solidarité de la part du MER, les jeunes du mouvement étudiant révolutionnaire, ont été encouragés par des groupes dont les gens ne se seraient pas attendus que l'on serait encouragés. Donc, ce sont des groupes hors de la communauté musulmane qui nous ont supportés et nous étions vraiment ravis de voir que c'est pas que les musulmans qui se sentent stigmatisés. Autour de nous, les gens voient très bien cette stigmatisation de moins en moins latente envers notre communauté. Donc, un merci à tous les groupes qui nous ont aidés à organiser cette manifestation-là, de nous avoir donné la place de front, en fait, avec notre bannière qui présentait fraîchement, fièrement, je veux dire, que la solidarité contre l'islamophobie. On veut vraiment entrer dans la tête des gens le mot islamophobie, qui est évité, qui est caché, qui est tabou, oui. Mais on va le voir de plus en plus souvent. Très bien. Bien. Sur cet élan de solidarité, est-ce que tu veux... Oui, je veux, vu qu'on parlait de Pegida maintenant, donc sans minimiser ce groupe, qui prêche la haine, la violence, ainsi de suite. La réaction du Forum musulman canadien, et sans dire réaction, mais notre stratégie était quoi au juste? C'était plus de rentrer en contact direct avec les autorités, donc même avec le bureau de le cabinet de la ministre et même du premier ministre. Donc, on a formé une délégation qui a rencontré un comité participatif qui travaille sur le sujet de l'islamophobie, le sujet de l'inclusion, ainsi de suite. Donc, nos propos, nos échanges avec eux, puis surtout les suggestions qu'on leur a données ont alimenté la réflexion de la ministre Kathleen Wheel, puis j'ai reçu même un remerciement de son cabinet, mm-hmm. puis dire que oui, vos idées ont bien enrichi les propos de la ministre, puis elle est sortie clairement et dire que il faut que tous les députés de l'Assemblée nationale dénoncent l'arrivée de Pegida, dénoncent le rassemblement de Pegida sur le petit Maghreb. Puis ça a été, c'est le motion qui est sortie déjà. Et on apprécie oui. ça. Et autre chose, c'est que le Forum et puis pas mal d'autres organisations aussi ont un point de vue qui est un peu différent de l'anti-manifestation. C'est de ne pas ramener la communauté musulmane à la confrontation. Parce qu'on ne peut pas garantir ce qui peut se passer. Donc il vaut mieux travailler plus stratégiquement, travailler avec les autorités, puis laisser la police faire son affaire et mobiliser les gens à garder le silence, garder la paix chez eux. Très bien. Donc, on a deux stratégies différentes. Qui ont donné fruit. Peut-être. Oui, donc l'une qui a débouché, si je comprends bien, sur un support populaire, l'autre sur des déclarations politiques. J'imagine que l'un comme l'autre sont bienvenus, mesdames. Je ne sais pas. Leïla, toi, qu'est-ce que ça te dit, tout ça, pour peut-être lancer... veux-tu intervenir tout de suite ou est-ce qu'on fait une pause musicale et on va te laisser lancer la discussion parce que j'aimerais qu'on puisse parler un peu de tout ce qui a été abordé travailler oui. Ensemble. Alors, comment tu le sens? Ben, en fait, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Je voulais t'entendre, toi aussi, puisqu'on part, on est dans une table, il faut faire le tour de table. Donc, toi, ta perspective, quelle est-elle? De quelle position tu parles? Et pourquoi l'islamophobie pour toi? Ah, ben moi, je voulais surtout prendre le plus de temps possible pour vous laisser la parole, mais c'est précisément, voilà ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un problème inquiétant. J'imagine que ça ne doit pas inquiéter que les personnes arabo-musulmanes et que c'est tout à fait pas souhaitable, quoi, de vivre dans une société où il y a une montée de cette forme de racisme que constitue l'islamophobie, que ça crée des tensions. Que les propos racistes aussi sont totalement irrationnels. Les gens s'emballent et ensuite, ça nous amène à avoir des politiques tout aussi irrationnelles et à bien des points de vue. Et ça amène aussi des leurres qui nous empêchent de nous occuper des enjeux importants. Et je pense que c'est peut-être important de rappeler que l'enjeu d'une société qui est exempte de racisme et de toute forme de discrimination est un enjeu qui concerne l'ensemble des citoyens d'une société ou d'une communauté. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que moi, j'appelle à dépersonnaliser l'islamophobie. C'est-à-dire, d'une part, effectivement, il faut bien se rendre compte que parmi les premières victimes, ce sont les femmes et les femmes musulmanes. Mais les motivations de lutte contre l'islamophobie ne doivent pas être que personnelles. Bien sûr, elles doivent être d'abord politiques, une conscience sociale. Et c'est ce qui permet justement les alliances, comme parlait Coraline tout à l'heure, des différents mouvements. Et c'est ce genre d'alliances-là qui permettent une meilleure lutte contre l'oppression, sans jamais invisibiliser les victimes, bien sûr. Donc, c'est un peu sur ça, moi, que je rebondirai par rapport au débat qu'on pourra poursuivre sur quelles sont les luttes possibles, comment analyser le contexte au Québec. C'est-à-dire, à la fois, le contextualiser, effectivement, c'est un phénomène qui apparaît au Québec, mais il n'est pas qu'au Québec. Et pourquoi il n'est pas qu'au Québec? Pourquoi est-ce qu'on retrouve une montée de l'islamophobie en Europe, aux États-Unis, et ça, je crois que les deux analyses sont importantes, à la fois d'une perspective locale, que s'il s'agisse d'ordre personnel, comme chacun de nous l'a fait, ou d'une perspective beaucoup plus globale, qui permet de voir en fait que les enjeux de pouvoir sont à plusieurs niveaux. Qui sont dans une géopolitique internationale, qui s'inscrivent dans une politique municipale, politique provinciale, nationale, mais aussi dans les interactions sociales. C'est ce qui fait qu'une madame inconnue va agresser une autre madame inconnue et que tout ça est interrelié. Et ces liens-là qui vont nous permettre, en tout cas, de réfléchir sur les mesures antiracistes, à mon avis. Bien, c'est très bien lancé. Leïla, si vous le voulez bien, tout, on va peut-être faire une pause musicale et on pourra revenir là-dessus sur qu'est-ce que ça nous dit et comment est-ce qu'on peut penser globalement les différents problèmes que vous avez amenés aujourd'hui. Alors, vous êtes toujours sur CKIT 90.3 FM, soi-disant Montréal, CKIT.ca sur l'Internet. Nous allons écouter une chanteuse palestinienne qui chante une chanson. Désolé si je prononce mal, Al-Koufi Arabe, c'est Shadia Mansour. صباح الخير يا ولاد عمومنا فضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما تغيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه يلدونا بلتبس لبس من هالأرض بكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا بشر عربي إلنا بتلبسوا كوفية جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علم كوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علو هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكثر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا مسجل انا شادي يا منصور والحطه هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياه من الشقتين انا مثل الكوفيه كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عاوصولي فلسطينيه من هيك لبسنا الكوفيه لانها وطنيه الكوفيه كوفيه عربيه من هيك لبسنا الكوفيه هويتنا الاساسيه الكوفيه كوفيه عربيه يلا علم كوفيه علولي هالكوفيه الكوفيه كوفيه عربيه علوه هلا بلاد الشام كوفيه عربيه بتضل عربيه think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The keffiyeh ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable neat the bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag. Eh bien, nous voici de retour. Alors, peut-être une petite discussion maintenant à, comment est-ce qu'on dit, à bras raccourcis, à bâton rompu. Anadi, vas-y, je te laisse la parole pour démarrer. Alors, moi, j'ai écrit quelque chose que je vais vous lire ici, qui va résumer un peu toute la situation que nous vivons actuellement depuis, surtout l'année dernière, depuis 2013. J'ai écrit ici, doit-on parler de voilophobie dans le contexte islamophobie? La peur, la méfiance, le rejet du voile et de celle qui le porte. Dans l'ambiance du débat public sur la charte des valeurs qui était l'année dernière, nous, les femmes voilées, nous sommes prises en otage. Les musulmanes voilées semblent trop ceci ou trop cela. On nous demande souvent de s'intégrer, voire de s'assimiler. Or, pour moi, l'assimilation est un signe de détresse psychologique. Des crimes islamophobes visent principalement les femmes voilées. Chaque agression se caractérise par une haine profonde de l'islam. Les insultes les plus récurrentes exprimées par les agresseurs, sale arabe, sale race, sale musulmane, terroriste, et j'en passe. Ici, on est au Québec. Il semble que la volonté du dévoilement demeure l'un des principaux buts de ces crimes haineux. J'ai de la difficulté à dissimuler cette inquiétude. Il y a un sentiment général de peur, d'abandon, de solitude, d'insécurité qui s'installe et ou qui s'est installé depuis l'année dernière au sein de notre communauté musulmane et au sein de la société en général. Spécialement chez les femmes musulmanes qui portent le hijab, qui est le voile islamique. Pourquoi le gouvernement demeure-t-il si silencieux face à ces crimes? À notre connaissance aujourd'hui, aucune déclaration publique n'avait été faite par le gouvernement en place, ni par aucun autre parti pour condamner ces crimes. Les femmes voilées se retrouvent à la fois victimes et agresseurs, menacées et menaçantes. D'un côté, on pense que nous sommes des femmes soumises aux hommes, donc le symbole de l'oppression. D'un autre côté, on nous perçoit comme menaçantes, voulant islamiser le Québec. On voit clairement dans le cadre politico-médiatique pousse et manipule la pensée des citoyens à percevoir la figure musulmane comme un danger, un ennemi. Les conséquences de ces actes sur les femmes sont directement l'humiliation, atteinte à la dignité de la personne, atteinte à la confiance en soi, sentiment d'insécurité, sentiment de peur, isolement, dépression. D'où l'importance de briser le silence et dénoncer ces actes. Les femmes voilées sont comme un livre. On ne les juge pas par sa page couverture. Alors voilà. C'est malheureux, oui. Est-ce que tu voulais enchaîner sur les chocs psychologiques? Oui, ben, en fait... Parce que ça semble assez troublant quand oui. même. C'est ce qui... c'est troublant, certainement. Puis même la journaliste ici, aujourd'hui de TVA, et même ça fait 2 jours là, que je suis en contact avec elle, puis elle a montré beaucoup de sympathie. Puis c'est sûr que ce que subissent les femmes musulmanes à nos jours là ne nécessite que plus de sympathie. Donc nous, comme Forum musulman canadien, comme tout le monde d'ailleurs, croyant que la discrimination et le racisme vont à l'encontre de nos valeurs québécoises, nos valeurs d'égalité, de justice et de liberté. Donc on doit lutter et continuer à dénoncer, déplorer la montée d'actes violents, d'actes haineux, puis surtout envers les femmes musulmanes. On ne voit pas d'homme musulman qui est agressé physiquement ou même psychiquement. Par contre, on voit presque quotidiennement des femmes musulmanes voilées. Ce qui est un peu ridicule, c'est de prendre n'importe quel monsieur barbu pour un musulman. À Mont-Tremblant, la semaine passée, il y a une famille juive. Le monsieur avec sa femme et ses enfants était agressé par une dame qui lui dit « sale musulman, rentrez chez vous » ou ainsi de suite. Puis il n'est même pas arabe, n'est même pas musulman, puis il est touriste israélien, il vient d'Israël, ce qui fait c'est honteux pour c'est honteux finalement. C'est des signes qui sont mal interprétés, quoi, une barbe un peu trop longue, voilà. C'est perçu comme une menace. Ça nous rappelle à quel point c'est absurde d'avoir la même réaction. Donc c'est ce qui nous a porté de rentrer directement avec les autorités puis de leur demander d'agir rapidement dans ces dossiers-là puis de valider le caractère haineux, surtout le caractère haineux de ces actes-là. Oui, je comprends, ça me semble très important aussi. Est-ce que tu voulais nous donner peut-être un portrait un peu objectif de... Lien justement avec ce que Sama a dit à propos des hommes, selon le collectif québécois contre l'islamophobie, sur 117 plaintes qui ont été faites en un seul mois, donc le premier mois de la charte du 15 septembre au 15 octobre, sur 117 plaintes, 3 étaient des hommes. Le reste, c'était 114 de femmes. On parle d'agressions qui ressemblent à des poussées, des gifles, des crachats, des hijabs arrachés, menaces de mort, grossières indécences, cyber-intimidation, etc. Donc, oui, encore là, on stigmatise... On voit bien que l'islamophobie n'est pas pour l'égalité des sexes. Oui, parce que c'est une augmentation de plus de 300% comparativement aux 9 mois précédents dans lesquels il n'y avait eu que 25 plaintes, qui sont déjà trop, là, c'est 3,5 par mois, mais là, on est passé de 3,5 par mois à 117. Augmentation vertigineuse et sur les femmes. Voilà, et ça augmente toujours, alors il ne faut pas se décourager, il faut continuer à dénoncer, tel que le disaient mes collègues Anady et Samar. Ben, on vous encourage à le faire. Leïla, un petit regard de... Oui. Oui, bah en fait, je remercie aussi mes collègues d'avoir pris la parole et je pense que l'initiative visait aussi à sortir également du discours de victimisation pour réfléchir sur quelles sont les raisons de l'islamophobie, que ça soit au Québec ou à l'international. Et ça, c'est important parce Dis-nous, que. Dis-nous, Leïla, justement, historiquement, est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu peux nous donner comme vision historique? Oui, alors tout d'abord, on a parlé de Pegida, etc., de la montée de l'extrême droite. Je pense qu'il faut resituer le contexte islamophobe au-delà de ces événements-là. Effectivement, c'est parmi les modes opératoires de l'islamophobie, les discours d'extrême droite, etc. Mais ce qui précède tout ça, c'est comment se structurent nos États, nos institutions. Le racisme, il est structurel. Il fait partie même de la fabrication de nos institutions, dans on a réfléchi l'État, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui au Québec, et pas qu'au Québec. On parlait du colonialisme tout à l'heure, ben justement je voudrais aborder cette question. Comment justement on a construit cette société ici au Québec et dans les sociétés occidentales? Il faut revenir à une perspective historique mais qui fait le lien avec notre actualité. Oui, je vais achever malheureusement. Nous sommes dans une société, dans une terre colonisée, il faut le rappeler, et ce n'est pas sans lien ce que nous vivons aujourd'hui avec ce qui s'est passé au 15e, 16e siècle. On est dans une continuité de la white supremacy, de la suprématie blanche. Et l'islamophobie est une de ces expressions-là, comme le racisme contre les Noirs, comme le génocide sur les peuples autochtones qui se continue jusqu'à aujourd'hui. Et j'appelle à comprendre donc l'islamophobie dans sa globalité, c'est-à-dire dans son interaction avec les autres formes de racisme, et ils s'inscrivent tous dans une matrice raciale qui a constitué un des discours colonial et colonialiste à partir de la colonisation de l'Amérique du Nord, à partir de la traite des Noirs, à partir donc de l'esclavage, à partir de génocide sur les peuples autochtones, et nous sommes en continuité. Et donc réfléchir sur l'islamophobie, c'est aussi réfléchir sur comment est-ce que nos institutions ont intégré ce racisme, elles ont intégré cette suprématie blanche, et ce à quoi on assiste, ces violences envers les femmes et les hommes aussi, hein, on a parlé des femmes, mais les hommes aussi vivent d'autres formes de violence, ben, il faut les inscrire dans ce schéma-là. Merci beaucoup de ce rappel, Leïla. Merci infiniment. C'est là-dessus merci qu'on va devoir conclure. Malheureusement, on vous réinvitera. Vous êtes toujours sur En profondeur. Merci, Siegfried Delmatelet. Et merci à toutes nos invités. Merci. J'aurai pas le temps de nommer tous vos noms, mais on vous remercie beaucoup. Merci.